J'ai vu les putes de Manhattan en ruban et comme de vraies dames. J'ai vu Castro à La Havane en train de gueuler paix au Vietnam. J'ai vu De Gaulle à Colombey ses mémoires à l'imparfait. J'ai vu des ricains un peu consoyés dans la baie des cochons. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. J'ai vu Zitrone aux enterrements et les croque-morts qui marchaient de bon. J'ai vu le soldat qui est inconnu et tous les autres qui sont cocus. J'ai vu Le Pen Angela là-bas se faire bouffer par de gros rats. J'ai même un jour vu ma petite sœur se faire tirer dans l'ascenseur. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. J'ai vu une nuit dans mon ghetto les flics qui voulaient me faire la peau. J'ai vu le banquier s'autoriser à nous voler quelques billets. J'ai vu l'amour battre la semelle sur le trottoir de ses demoiselles. J'ai vu le macro un peu craignos en train de leur dire tu l'as dans l'os. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. J'ai vu Paris dans un bocal, j'ai vu ma gueule dans un journal. À la chronique des chiens crevés entre la lune et le pavé. J'ai vu des flics en uniforme casser de la rap pour se mettre en forme. J'ai vu les mêmes à la grand-messe prier le gourou pour que ça cesse. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal. Carmen Blues, Carmen Noir, trottoir de la nuit, boulevard Capal.